tes mélodies. Un messager merveilleux, l'exhortation, la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Votre douceur soit connue de tous les hommes, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur est proche. Bien-aimés dans la maison des dieux, écoutez-moi sur cette mélodie, un message merveilleux.